Attention, on va voir si ça marche. Oh, ça marche. Ah, génial. J'étais très tendu, je ne savais pas si ça allait marcher. Ah, incroyable. On s'entend maintenant, est-ce qu'on passe à l'antenne? Je ne sais pas. Non, pas sûr. Je ne sais même pas si depuis 7 ans on passe à l'antenne, c'est pour vous dire. Soyez les bienvenus sur Énergie. Nous sommes aujourd'hui lundi, c'est le 25 juin 2018, il est 5h55. On démarre l'émission comme chaque jour à 6h. Je viens de m'apercevoir que devant les yeux, j'ai pas l'heure en fait. Ah, oh là, si, là, c'est juste là au-dessus là. Où ça? Attends. Oh, cool. Eh ouais. C'est bien fait. Hein. Bah ouais, c'est bien fait. Attends, il y a des moyens, on a des horloges. C'est ouf. Alors là, bravo à tous les gens qui ont préparé, pas nous. Soyez les bienvenus sur Énergie. Nous sommes en direct toute cette semaine du Gros du Roi. Nous sommes dans le sud de la France, une bien belle région glandue. Ah, j'adore moi le sud, la Camargue, les moustiques, les chevaux. Voilà. Fin de la rubrique géographie. Ouais. On démarre dans 4 minutes l'émission. Il y a du public qui est venu. Vous pouvez faire du bruit. Vous avez le droit. Il y a des petites têtes de personnes qui, a priori, ne se lèvent pas en général à 4h du matin. On va vous expliquer comment venir nous voir si vous avez envie de venir pendant toute la semaine. On est là au Gros du Roi jusqu'à vendredi pour la dernière semaine d'émission. Certains disent qu'on prend une semaine de vacances et qu'on gruge et qu'on fait l'émission le matin. C'est vrai. Disons la vérité. Mais on est là avec vous. On va vivre cette semaine. Il y a plein de choses qu'on va faire. Ça va être des trucs de fou à commencer aujourd'hui avec Tal qui va venir chanter comme jamais elle n'a chanté. C'est vrai. Voilà, si vous êtes là et que vous devez aller bosser à 8h, arrêtez tout. Et Tal sera avec nous à partir de 8h30 tout à l'heure pour un grand moment. Ouais. Peut-être le plus grand échec de sa carrière. Ah, non. J'ai bien vendu ou pas? Ouais, ouais, ça va être très drôle. Avant ça, les amis, 5h55, c'est le club du 5-5-5. Comme chaque jour, on s'écoute un titre qui va nous lancer la journée. Et pendant tout, parce que je suis un génie, on a peur de le dire, pendant toute la semaine, à 5h55, on va se faire des hits de l'été. Ah, c'est malin. T'es un génie. Je viens de le dire. T'avais fait pareil il y a un an, jour pour jour. Exactement. Je me suis dit, tiens, une bonne idée, c'est dommage qu'elle soit gâchée. On va l'en faire. Payphone, Maroon 5. Ah ouais, trop bien. Je sais plus quelle année c'était, mais c'était l'été. Ouais. Ok. On n'a pas tout bossé pour l'émission, on va se régler. Tranquillement. Mais j'adore ce hit, c'est pour vous. Soyez les bienvenus sur Énergie. On démarre dans 3 minutes. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in our time, not

applaudir pendant 2h30 si vous voulez. Ah, il y a beaucoup de monde. Soyez les bienvenus sur Énergie, il est 6h04 et nous sommes en direct et en public du Gros du Roi, la bien belle ville du Gros du Roi. Ah ouais, la magnifique. La bien nommée. C'est tout ? Moi, j'ai vu ça dans des documentaires, ils l'ont bien nommé. Ah, d'accord. Pour sa classe. C'est pas très loin de Montpellier, c'est pas très loin de Nîmes, c'est à 1h30 de Marseille si vous voulez venir nous rejoindre. Vous allez sur manudans69.com, vous vous inscrivez parce qu'on est en public toute la semaine pour la dernière semaine d'émission. Ouais. Donc une petite semaine de vacances avant les vraies vacances. Ouais, c'est ça. On le fait discrètement, personne s'en aperçoit. Pendant cette semaine, il y aura plein de choses. On va vous en parler évidemment pendant toute l'émission. Aujourd'hui, déjà à partir de 8h30, Tal sera notre invité. Trop bien. C'est énorme. Tal, la chanteuse. Ouais. Ce qui est énorme, c'est surtout ce qu'on va lui faire faire. Et alors, on a fait des petites répétitions hier. Ça va très très mal se passer. Ah, normalement, ouais. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 9h. On va vous dire pendant l'émission comment elle va chanter. C'est peut-être la fin de sa carrière. Et elle a préparé un petit texte pour dire merci à tous les gens qu'elle aime et qui lui manqueront lorsqu'elle ne sera plus de ce monde. Ouais. Je sais pas si elle était bien consciente ou pas, parce qu'elle a quand même tout accepté. C'est bizarre. Hein. Elle a tout, à tout. Elle a dit ouais, ça me fait rien, ça me fait rien. Elle a tout compris. Ah, elle va se jeter de 100 mètres sans parachute. Ouais, c'est un truc un peu comme ça quand même. Non mais hier, plus on avance dans la répétition, moins elle était emballée. Hein. Donc j'ai un peu peur pour elle. Ouais. Quand même. Et emballée, c'est un indice pour ce qui va se passer avec Tal tout à l'heure. Ce sera à 8h30. Petit tour, les amis, pour savoir comment ça se passe depuis qu'on est arrivé. Nous sommes arrivés ici vendredi. Ouais. Alors, on va mettre de côté tout ce qui est boisson alcoolisée. Comme ça, on en parlera plus tard. Merci. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces deux premiers jours au Gros du Roi ? Bah, moi, je pense que je suis clairement maudite. Je pense qu'on peut le dire. Mais ça, c'est depuis quelques années. Ça fait longtemps. Non, mais j'ai payé donc 70€ de supplément bagage à l'aéroport. Parce qu'il faut savoir que les valises, on n'a pas le droit de dépasser 21 kilos. Mmh. Et Paulette, les 21 kilos, elle les avait dans son sac à main. J'avais 5 kilos en trop. Mais là, t'es pas maudite, t'es juste pas très mal organisée, mais tu t'en prends plein d'affaires, quoi. Oui, c'est pas faux. Ouais. J'ai oublié mon passeport dans l'avion, ça c'est chiant quand même. Tu l'as récupéré ? Oui, mais il a fallu aller le chercher à l'aéroport, donc ça c'était chiant aussi. D'accord. Et la douane, ça c'est le pire, je crois, qui m'est arrivé. La douane a fouillé mon sac et a ouvert mon dissolvant et n'a pas refermé mon dissolvant. Alors attention, tu dis que c'est la douane, mais on n'est pas sûr. Ouais. Ah, moi j'en suis sûr. N'accuse pas nos amis douaniers qui peuvent venir te récupérer et t'envoyer je ne sais où dans une cellule croupir. Alors qu'on ne sait pas. Tu as ouvert ta valise en arrivant ici et il y avait plein de dissolvants partout étalés. Oui. C'est pas forcément la douane. Ça peut être, et je dis pas ça, c'est pas sûr. Hein. Ça peut être quelqu'un qui s'appellerait par exemple Paulette et qui aurait mal refermé son dissolvant avant de partir. Mais non, parce que moi je l'avais mis dans ma trousse de toilette. Non, mais et elle était sortie. Sachant que tu viens de nous raconter que t'avais oublié ton passeport et que t'avais mis trop de kilos dans ta valise, il y a plus de chances que ce soit toi qui n'ai pas fermé ton dissolvant plutôt que la douane. Non, ça j'en suis persuadée. Franchement, j'en suis persuadée. D'accord, donc c'est vraiment toi. Okay. Quoi d'autre à partager avec nous, Nico? Bah moi je suis arrivé avec hier soir parce que j'avais un mariage ce week-end. Il a marié son frère. Ah ouais, ça c'est bien. Même s'il déteste la femme de son frère, il l'a mariée quand même. Non, oh pardon, fallait pas le dire. Malaise. Mais il y a deux minutes, t'as dit que tu voulais qu'on mette de côté l'alcool. Ouais. Force est de constater que vous aviez des petites têtes hier et que visiblement la modération n'est pas au Gros du Roi. Alors le Gros du Roi a su très bien nous accueillir. Ouais. Oui, visiblement. Oui. Il y a eu le pot de l'amitié. Alors voilà. Il y a eu un vin d'honneur qui s'est terminé en cubi d'honneur. D'accord. Et c'était très sympa. C'est bien. C'est tout ce que je retiens pour l'instant de mes 2 heures avec vous. Ça marche. Blandu. Moi, c'était à l'aéroport en partant. Pour la première fois de ma vie, j'ai été appelé. Tu sais, au micro, ils m'ont appelé par mon nom. Ils ont appelé Glandu parce qu'il était en retard aussi. Donc c'était pas simplement pour dire salut Glandu, on est content que tu sois dans l'aéroport. Non, c'est parce que je suis arrivé en retard et je suis arrivé en retard à l'aéroport. Du coup, mais j'avais quand même envie de faire pipi avant d'embarquer. Ce qui est humain. Du coup, je vais aux urinoirs et. Ce qui est humain, mais c'est-à-dire que nous, on attendait quand même dans l'avion. Oui, l'avion attendait, mais ça, je ne le savais pas. Hein. Je savais pas que j'étais si en retard. D'accord. Alors, quand l'avion est à 13h et que tu arrives à 13h05, en général, c'est quand même. J'étais en train d'uriner et il m'appelle quand je suis en train d'uriner. Et là, j'ai paniqué et j'ai fait tomber ma carte d'embarquement dans l'urinoir. J'ai dû aller chercher, du coup. C'est sexy, ça, le matin. Ouais. Ouais, c'est bien. Il est 6h08, soyez les bienvenus. Il va y avoir de la poésie aujourd'hui. Je partage ça commence. On est bien. Les amis, dans 3 minutes, il y a. Je sais pas s'il y a plus con que ça. Les concours du jour, ça arrive dans 3 minutes. Des gens improbables qui font des choses improbables, comme Glandu à l'instant. Très chance. Ça arrive pour vous, ce sera juste après Drake sur NRJ. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9. On est là avec vous comme chaque jour. Bon réveil. They wish and I wish and I wish and I wish and they wish and on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, nope, ay. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, ayy, road, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Bienvenue sur Énergie, il est 6h12, on va écouter le nouveau Ariana Grande, ça arrive pour vous, il y aura aussi Slimane avant 6h30, les concours du jour, c'est dans quelques secondes. Ouais. Et aujourd'hui on est lundi, et comme chaque lundi, c'est les lundis de la Win. Trop bien. Ouais. Je vous rappelle que le principe des lundis de la Win est très simple, nous vous achetons. Voilà. C'est ça, complètement. C'est très honnête, nous vous achetons pour que vous nous appeliez. Ouais. Dès que vous nous appelez au 0870 42 48 et que vous arrivez à l'antenne pour partir avec un cadeau, c'est comme ça tous les lundis. Et là attention, c'est le kit de l'été Manu dans 6-9. Yes. Ouais, trop bien. Je vous rappelle ce qu'il y a dedans. Il y a un t-shirt, il y a les tongs Manu dans le 6-9, il y a la gourde, il y a le sac banane, le mug, l'ouvre-bouteille décapsuleur, le tote bag, l'autocollant moins moins à bord pour que les gens sachent qui est en train de conduire cette voiture et donc qu'ils sachent qu'ils doivent garder leur distance. Ouais. L'enceinte Bluetooth étanche, le tablier de cuisine, des préservatifs parce que faire l'amour c'est important et la batterie de secours de téléphone. Ça c'est trop cool. Bien. Ouais, ouais. Trop bien. C'est important ça, c'est à la plage aussi. Le kit de l'été Manu dans le 6-9 pour l'avoir, c'est très simple. Il suffit de nous appeler 0870 42 48 et pendant toute l'émission, dès que vous arrivez à l'antenne, et ben vous gagnez ça. Yes, cool. Voici les amis, avant d'écouter Ariana Grande, les concours du jour. Comme chaque jour, des gens improbables qui font des choses improbables. Écoutez bien, nous démarrons aux États-Unis. Un homme braque un magasin très tôt le matin, mais le problème c'est qu'en braquant très tôt le matin, il n'y a pas beaucoup d'argent dans la caisse. Eh ouais. Ouais. Donc le mec lui dit, bah, je suis désolé, vous pouvez me braquer, mais il n'y a quasiment que dalle. Du coup, le mec dit au vendeur, ah, je vais attendre dans la voiture que les clients viennent pour prendre plus d'argent après. Ouais. Donc le braqueur est vraiment allé dans sa voiture, il s'est posé en mais attendant non. que les gens viennent pour qu'il y ait plus d'argent dans la caisse. Ah oui. Donc ça a donné le temps au vendeur d'appeler la police et le mec s'est fait arrêter. Ouais, ouais. Nickel. Pourtant le plan était redoutable. Ouais, ah ouais. Restons aux États-Unis. Un homme a vandalisé 40 maisons en taguant dessus. Alors il a été arrêté parce qu'en fait le tag c'était le prénom et le nom de son ex-copine qui venait de le quitter. Ah ouais. Ah. Voilà. Et il rajoutait son poids pour se venger. Mais non. Ah ouais. Oui. C'est vrai. Le prénom, le nom et le poids de la nana. Ah ouais. Ouais. Voilà. La police a retrouvé son ex, du coup, qui l'a balancé, évidemment. Ouais, c'est ça. La question, est-ce que vous êtes remis de votre rupture, là? On est sur un pas du tout, quoi. On est sur un moyen. Ok. C'est difficile. Dans le Calvados, écoutez cette histoire de totalement improbable. Un homme a drogué sa femme pendant des mois en mettant dans sa nourriture des gouttes pour la faire dormir. C'est pas sympa. Non, c'est pas a priori. Merci. Dire que si on demande, tiens, c'est grave. Qu'est-ce qu'une personne sympa? C'est rare qu'on dise c'est quelqu'un qui drogue sa femme. C'est ça. Voilà. La raison pour laquelle il a fait ça est totalement improbable. Il voulait la faire dormir tous les soirs pour pouvoir regarder son film préféré tranquille en boucle sans elle. Mm-hmm. Et son film préféré, c'est Dirty Dancing. Oh. Non. Bah, il voulait... mec. Et tout ça pour ça. Mais les filles adorent ça. Ah, mais non. Bah oui, mais apparemment, il voulait pas le regarder sans... mais... avec sa femme. Ouais, il avait perdu portée, je pense. Elle lui aurait demandé de faire le portée, il voulait pas. Je sais pas. Alors, elle a fini par s'en rendre compte à un moment, elle a demandé le divorce. Elle est un peu rancunière, je trouve. Et le mec a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 1500 euros d'amende. Bah ouais. Oui, mais il regardera Dirty Dancing tranquille. Ah oui, ouais. Alors non, en prison, c'est rare que tu choisisses ta meuf. Allez, 6h15, les concours du jour. Et bien évidemment, demain à la même heure. Ariana Grande arrive dans 3 minutes. C'est Énergie, c'est Manu dans le 6-9. On est avec vous comme chaque jour. Manu. Manu et les Ouais, on vous aime. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Sometimes I won't. Energy hit music only. J'ai des rêves durs à toucher, mais le mental pour me pousser. J'en vois trop qui sont couchés, mais j'aperçois le sommet. T'es venu au monde pour le combat, plus t'avances, plus tu te sens mal. Mais la souffrance est banale, tu donnes tout, mais t'as nada. Regarde bien la personne qui te poignarde, c'est souvent la plus proche. Tu comprendras la solitude quand t'auras plus rien dans les poches. Vas-y, fonce, t'es dupé, c'est n'écoute pas ceux qui vont te freiner. L'impossible n'existe que par celui qui décide de le créer. Plus rien ne sera jamais pareil. Je veux ma vie de rêver, je pousserai pour l'avoir. Peu importe les sacrifices que je dois faire. Plus rien ne sera jamais pareil. Je veux ma vie de rêver, je pousserai pour l'avoir. Peu importe les sacrifices que je dois faire. Les portes se fermer, on a les yeux cernés. On n'a pas le temps de se plaindre car on a tous des sacs à porter. T'es maître du changement si les choses ne te conviennent pas. Tu veux un truc, tu vas le chercher, suffit pas juste de tendre les bras. Des bâtons dans les roues, apprends à encaisser les coups. On n'est pas né que pour être cool, t'es un bonhomme, tu portais. Vas-y fonce, t'es dépêché, n'écoute pas ceux qui vont te freiner. L'impossible n'existe que par celui qui décide de le créer. Plus rien ne sera jamais pareil. Je veux ma vie de rêver, je pousserai pour l'avoir. Peu importe les sacrifices que je dois. Plus rien ne sera jamais pareil. Je veux ma vie de rêver, je pousserai pour l'avoir. Peu importe les sacrifices que je dois faire. Et je me dis que tout sera différent si on avance ensemble. Je garde la tête haute même si la route est longue. Plus rien ne sera jamais pareil. Je veux ma vie de rêver, je pousserai pour l'avoir. Peu importe les sacrifices que je dois faire. Plus rien ne sera jamais pareil. Je veux ma vie de rêver, je pousserai pour l'avoir. Peu importe les sacrifices que je dois faire. Plus rien ne sera jamais pareil. Je veux ma vie de rêver, je pousserai pour l'avoir. Peu importe les sacrifices que je dois faire. Salut, c'est Maître Gims. Et face à Manu, je ne suis plus un maître, je suis un petit disciple. Oh, grand maître Manu, que puis-je faire pour vous satisfaire ce matin ? Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. J'ai une info, Maître Gims, avant d'écouter Ariana Grande, attention. Ouais. Maître Gims va faire un duo avec un artiste, c'est improbable. Enfin, c'est improbable, c'est génial. Ouais. D'après vous, qui ? C'est une femme. Paulette ? Américaine ? Ouais, américaine. Lady Gaga ? Lady Gaga, non. Britney Spears? Britney Spears, non. Ah, ok. Elle est à la mode? Elle est à la mode. Oh, Beyoncé! Ouais. Non, pas Beyoncé. Rihanna? Rihanna. Oh. Bonne réponse. Ah, bah ouais, voilà. C'est classe. Yes. Maître Gims, apparemment, va faire un duo avec Rihanna. Comment c'est incroyable. Comment il a fait, je sais pas, mais s'il veut bien dire comment, moi je le fais aussi. Ah ouais, c'est il a peut-être écrit sur Facebook. Je sais pas comment il l'a écrit. Salut Riri, je suis Maître Gims. si ça te dit qu'on discute lunettes ensemble. Et voilà, du coup ils vont faire un duo. Ah, je sais génial. Pas. C'est cool. C'est incroyable. C'est vrai qu'on est à On a déjà rencontré Maître Gims. Ouais. On est donc à une personne entre nous de Rihanna, quoi. C'est ouf. Ah ouais, c'est comme quoi. Si on, bah, on peut considérer Rihanna comme notre amie. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ok, cool. Ouais. Je peux même, tu sais quoi, je vais me mettre en couple avec Rihanna sur Facebook. Mec flippant, ouais, tu vas trop loin. Rihanna Grande, tout de suite sur Énergie. Et juste après, nous allons parler d'une étude américaine, les amis, qui parle des choses qu'il ne faut surtout pas faire en couple. Ah. Oula. J'ai le top 3 des choses à ne pas faire en couple. Si vous êtes en couple, attention, écoutez bien. Ouais, okay. Si vous voulez votre couple dur, hein, bien évidemment. Ouais. Alors, faire l'amour, c'est en couple, en revanche. Ça, par exemple. D'accord, vous pouvez le faire pas en couple, mais là, ça fout le bordel. Ouais. Je vous donne le top 3 des choses à ne pas faire en couple. C'est juste après Ariana Grande sur Énergie. Soyez les bienvenus, il est 6h20. We turning it up, yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body, I ran out, but boy, I like it, I like it, I like it. Don't matter how, what, with, who tries it, we out here vibing, we vibing, we vibing. The colors in you, I see them too, and boy, I like them, I like them, I like them. We way too fly to partake in all this hate, we out here vibing, we vibing, we vibing. Come even when it's raining down, can't stop now, can't stop, so shut your mouth. Bienvenue sur Énergie, il est 6h23. Toute cette semaine, nous sommes en direct et en public du Gros du Roi. Si vous voulez venir nous voir, eh ben c'est très simple. Vous allez sur manudans69.com. Oui. Vous pouvez assister à l'émission pendant toute la semaine. Il y a 300 personnes qui sont déjà là ce matin. Vous pouvez faire du bruit. Ouais. Vous avez le droit de montrer à la France que vous êtes là. Et en plus, il y a un petit déjeuner pour vous. Ouais. Vous pouvez détester l'émission, mais il y a un des petits déjeuners gratos. Ça vaut le coup. Ouais. On va s'écouter Dua Lipa, ça arrive pour vous. Avant ça, j'ai, attention, la chose qu'il faut éviter par-dessus tout de faire en couple. Ah, ok. J'ai une étude britannique là-dessus. Il existe des activités qu'il ne faut jamais faire en couple, sous peine de dispute. Vous pouvez commencer à réfléchir à quelle est pour vous l'activité à ne surtout pas faire en couple. Okay. L'activité numéro 1 à éviter par-dessus tout, selon cette étude, est regarder ensemble un match de foot. Ah bon, ouais. Pourquoi? Autant dire qu'avec la Coupe du Monde, ça va être compliqué. Ouais, ah oui, c'est clair. Pour les couples dans le monde. Ouais. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense que c'est parce que les hommes ont tendance peut-être à s'emporter un peu sur les matchs de foot. Ouais, puis il y a les règles de foot qu'il faut réexpliquer. Voilà. Moi, par exemple, beaucoup. Je pose des questions toutes les 3 minutes. Ouais, voilà pourquoi on veut pas. Voilà, tu as compris. Oui, mais bon, vous n'avez pas besoin d'être hyper concentré, quoi. Vous pouvez répondre aux questions. Ah non, alors je vais te dire, moi, c'est une source d'engueulade. Ah bon? Voire de divorce. Ah ouais? Et je regarde, je vis le match, je n'ai pas envie qu'on me demande toutes les 20 secondes quelque chose. choses. Ouais. Bah, c'est un jeu. Nous, on essaie de. Mais quand ta femme essaie de s'impliquer. Mais vraiment, elle peut aller s'impliquer sur autre chose. Hein. Ouais, tant que c'est pas sur un pote. Quelle est pour vous, complétons cette liste, quelle est pour vous, vous pouvez nous appeler au 0870 42 48, la chose à ne surtout pas faire en couple. Nico ? T'as les courses quoi. Moi je supporte pas aller au supermarché avec ma femme. J'ai l'impression qu'elle m'engueule comme un gamin de 6 ans, c'est quand je veux m'acheter des bonbons, des trucs. Elle te juge. Non mais elle est là et elle m'appelle Nicolas en plus dans les rayons. Nicolas, on n'achètera pas ça. Attends, on dirait c'est ma mère. Génial. Quand elle m'appelle Nicolas, ça pue, ça pue. Tant qu'elle t'appelle pas par ton nom de famille, qu'elle te demande de lever la main. Moi je glissais les trucs dans le caddie. Mais tu sais, au début je les mettais au-dessus, je me faisais cramer. Et donc après je les cachais en dessous. Tu les caches ou pas? Attends, quand c'est à la caisse, c'est encore pire parce qu'elle prend les gens à témoin. Vous avez vu ce qu'il fait? Vous avez vu ce qu'il fait? C'est un peu mignon. Ouais, l'étape d'après, c'est à prendre, vous savez, un truc dans lequel on parle. Les micros là. Ouais, les énormes trucs. Mégaphone. Ah, le mégaphone. Un mégaphone, c'est ça. Regardez tous, c'est mon mari. Regardez, il prend des gâteaux. On a Elsa avec nous au téléphone. Bonjour Elsa. Bonjour Manu, bonjour les wouah. Salut. Bienvenue sur Énergie. Elsa, tu es en couple? Oui, mariée. Et quelle est c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Donc ça arrivait à d'autres personnes avant. C'est cool même. Il y en a qui s'en sortent. Elsa, quelle est la chose pour toi ne surtout pas faire en couple? Alors, pour moi, dans mon cas, c'est jouer aux vidéos et surtout à FIFA parce qu'à chaque fois je gagne. Et pour lui, c'est un affront à sa virilité. C'est à chaque fois horrible. C'est chaud, ça. Faut jouer. Alors, jouer aux jeux vidéo avec. C'est compliqué, effectivement. En couple. En plus, toi, tu gagnes, donc ça, c'est. On va couper. Ah, non, mais on passe sous un tunnel, Elsa. Moi, je m'énerve aux jeux vidéo. Tu vois, je jette ma manette. Donc, si elle est à côté, faut faire attention, quoi. Je la jette sur le canapé, souvent. Mais. En fait, il faut savoir que Glandus, ce qui lui a coûté cher, c'est pas la console, c'est les manettes qu'il rachète. Oui, c'est ça. Merci de nous avoir appelé, Elsa. Paulette, la chose à ne surtout pas faire en couple? Aller en boîte. C'est horrible d'aller en boîte en couple. Tu peux pas te lâcher. Et puis t'es toujours collé à ton mec ou à ta meuf, tu peux pas danser tranquille sans que l'autre soit un peu jaloux. Non. J'attendais la fin de ta phrase. Oh, tu peux pas la tromper. Julie, bonjour. Salut Manu, salut toute l'équipe. Bienvenue sur Énergie, Julie. Tu es en couple? Oui. Quelle est pour toi la chose à ne surtout pas faire en couple? Alors, c'est d'être dans la même équipe que mon chéri lors d'un jeu de société, car si je perds, c'est de sa faute. Ah. Ah d'accord, on fait un trivial poursuite, tu réponds à aucune question, c'est quand même de sa faute. Exactement, voilà. Il n'y a pas de justification. Ok, en fait toi ton problème de couple c'est juste d'être en couple avec toi. D'accord. Julie, merci de nous avoir appelé, on t'embrasse fort. Non d'accord, pas toi. Ça a coupé, c'est pas grave. Glandus? Moi c'est regarder une série que je trouve relou en couple. Parce qu'en fait au début ça commence bien et tout, puis au bout d'un moment tu finis toujours par regarder un épisode tout seul sans attendre l'autre personne, et après t'es obligé de lui mentir. De pas l'avoir vu et ouais, tout. Ouais, pas vu l'épisode. En fait en gros tout ce qui est truc de plaisir, en fait on aime pas que ce soit avec l'autre. Ouais, oui. D'accord, c'est ça. C'est compliqué. En fait le seul truc à faire en couple de cool c'est la vaisselle. Ok d'accord. Ok, c'est triste. On est bien. C'est beau, ça va ton couple toi? Franchement c'est pas la folie. Mais je donne une chance aux vacances. D'accord. On va écouter Slimane dans un instant. Il y aura Dua Lipa, il y aura Dadju aussi. Soyez les bienvenus sur Énergie. On est en direct du Gros du Roi. On est là avec vous pour cette dernière semaine d'émission. On revient tout de suite. Manu dans 6-9, 0800 70 42 48. Appel gratuit. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Music Only. Leclerc. Chérie, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Du coup, j'ai pris des Volvic Juicy pour essayer. 2 bouteilles d'1,5 litre achetées, 2 bouteilles offertes. De la Volvic quoi? De la Volvic Juicy. De la Volvic aromatisée. Fraises, fruits du verger, fruits exotiques, agrumes, citronnades. Du 26 au 30 juin, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Pour 2 bouteilles d'1,5 litre de Volvic Juicy achetées, parfum au choix. 2 bouteilles offertes. Voir modalités et magasins participants sur www.1.leclerc. On y goûte. Ah bah hey. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Pendant les journées Audio All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Du 16 juin au 7 juillet, offrez-vous votre Audi d'occasion en toute sérénité grâce à notre pack d'offres exceptionnelles sur l'entretien, le financement et les accessoires.

On est en public tous les matins. Oh, il y a une petite fille là-bas, bonjour. Ta maman t'a réveillée très tôt, hein. C'est quoi, je vais venir vous voir. Ah oui, non, mais on va en profiter. Bah, on vous voit jamais, nous. Ouais, c'est vrai. Vous nous voyez jamais, ça c'est. On pas plus mal. Hein, c'est pour ça qu'on fait de la radio, hein. C'est la, ça s'appelle le physique. Ouais. On est là, on est en